accompagné d'une équipe de collaborateurs. Chroniques, entrevues, reportages, capsules, revues de presse et tables rondes vous font découvrir sous toutes ses facettes les arts visuels à Québec. Communication, culture. Alors bonsoir à tous, bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radiophonique consacré aux arts visuels dans la ville de Québec. J'entends la France avec vous pour la prochaine heure sur les ondes de CKRL. On va parler d'arts visuels avec Annie Baillargeon, je l'annonçais déjà en compagnie de Jessica de l'autre côté du thème. Annie Baillargeon donc qui expose une exposition solo avec une très belle un très beau corpus de photographies. Je l'ai questionné là, sur quelques éléments qui me semblent des points tournants dans son travail avec cette exposition là. J'ai pris enregistré l'émission en début de semaine puisque Annie voulait fêter l'Halloween avec ses enfants ce soir et on la comprend. Ensuite, je vais recevoir Marie-Claude Drolet, une nouvelle chroniqueuse cette saison-ci. Donc Marie-Claude nous propose de rencontrer Simon Doyon. Simon Doyon travaille avec les artistes, fait des scans 3D, des impressions 3D, donc sont allés ensemble cet après-midi pour visiter l'atelier de Simon et je pense qu'on va en apprendre beaucoup en compagnie de notre chroniqueuse Marie-Claude Drolet et de Simon Doyon. Et en fin d'émission, on parle d'une exposition qui va débuté à Regard vendredi. Donc, Amélie Laurence Fortin, la directrice du centre, va venir nous parler de qu'est-ce qui se passe à Regard. Il y a des artistes qui viennent d'un peu partout à l'international qui font partie d'un groupe qui s'appelle To Watch, un groupe qui est établi en Pologne. Donc, une émission bien remplie qui va un peu dans tous les sens et je vous souhaite bon Halloween à tous. Et cette semaine, notre découverte musicale, c'est Jörge Schuster, qui est un artiste de Dortmund qui fait dans la musique électronique, introspective, dub, ambiante. Donc, je vous laisse avec un premier extrait, Don't Make Me Cry. Alors, comme je le disais en début d'émission, j'ai rencontré Annie Baillargeon en début de semaine. Donc, on a une très, très belle conversation à propos de son exposition « Les amas » qui est présentée à la Galerie 3. Donc, je vous laisse écouter cet extrait. Alors, bonsoir Annie Baillargeon. Allô. Tu présentes actuellement une exposition à la Galerie 3 qui s'appelle « Les amas ». Et je pense qu'il y a deux séries distinctes dans l'exposition. Oui, c'est deux séries, mais elles ont été faites simultanément dans mon atelier en même temps. Donc, puis Il y a comme un dialogue qui s'installe entre oui, ces deux séries-là. Oui, c'est un projet, en fait, que j'ai... Mm-hmm. Parce qu'il y a trop d'œuvres, il y a 28 pièces en tout. Fait que je trouvais ça too much, là, de les mettre toutes dans la même, mm-hmm. dans la même Donc, série. Donc, c'est quoi un peu les différences qui s'installent entre ces deux séries-là, mettons? Ben, c'est là qui s'appelle La leçon, qui est avec, c'est plus avec ma fille, mm-hmm. puis c'est plus un rapport mère-fille, mm-hmm. qui est plus élaboré, puis elle n'est pas terminée, j'ai d'autres œuvres que je veux faire avec cette idée-là, donc voilà. Donc, en parlant de ce travail-là que tu as fait avec ta fille, est-ce que c'est la première fois que tu travailles avec ta fille dans tes œuvres d'art, dans tes performances? Oui, c'était la première fois que je l'intégrais. J'ai déjà travaillé avec mon fils, mais... Il était moins dedans comme performeur. Mais c'est intéressant aussi parce qu'il y a toute cette question-là de la féminité puis des espèces de modèles féminins à suivre qui nous sont un peu imposés par différents éléments de la société qui sont très présents dans ton travail. Oui, ben c'est ça, je trouvais ça cohérent d'intégrer ma fille. Puis je veux faire aussi des photos avec ma mère. C'est la prochaine partie, fait que c'est ça. Wow! Donc, dans ce travail-là, présenté à la Galerie 3, Annie Baillargeon, t'as également utilisé des fonds neutres, des décors, c'est quasiment des camailleux, soit noirs, soit blancs, en camailleux avec les vêtements, les accessoires. Qu'est-ce qui t'a poussé à explorer ce type de décoration, ce type de décor, pardon? Bien, j'avais l'idée de fabriquer un décor à même mon atelier, mm-hmm. puis de l'investir là, avec le temps. Puis dans la séance photo, je déconstruis le décor. Tu sais, toutes les artefacts, je les arrache. Fait que le décor faisait partie de la performance. Mm-hmm. Donc, des décors qui évoquent une ambiance de fête. On a des ballons, des confettis, des brillants, mais une fête qui relève plutôt du grotesque, là, un peu comme tu nous as habitué souvent dans ta pratique. Mais quelque chose du carnaval. Là. Moi, je pense à Bartine, mettons, quand carnaval qui n'est pas clean comme le carnaval de Québec, là, mais il y a quelque chose qui... Il y a du méchant qui ressort là, dans toute la... De la fête, oui. Là, ouais, mm-hmm. ben, c'est comme pour... en premier abord, c'est comme festif, joyeux, mm-hmm. mais quand on s'y attarde trop puis on entre dans la fête, ben, là, on voit les feuilles, puis le glissement, c'est comme si la nappe te glissait à terre, puis que tout explosait. C'est un peu l'après-fête, là, quand tout le monde est dans un état un peu trop poussé. Oui, c'est comme je parlais aussi de consommation, puis mm-hmm. d'excès. Mm-hmm. Fait que dans la fête, il y a l'excès. Oui. Puis de se pousser à bout, puis de jamais sans savoir quand ça va terminer, cette fête-là. Un peu comme une espèce de côté d'étourdissement, d'ivresse. Puis dans le processus de création, j'avais toute la digestion du décor, puis l'espèce de... d'emmagasinement de choses, d'où les amas, de digérer tout le temps ça, puis d'être en accumulation constante devant mm-hmm. notre propre décor. Mm-hmm. Mais oui, mais c'est ça fait sens, cette espèce de faire un lien entre la surabondance et la fête. Il y a comme quelque chose de l'excès qui vient vraiment s'installer dans ces œuvres-là. C'est quelque chose avec lequel tu travailles beaucoup, l'excès dans tes œuvres. Oui. Tu nous as habitués, par contre, à une échelle du corps où le corps devenait vraiment un motif, était très, très rapetissé. Puis on dirait que dans les dernières années, le corps a grandi. Je me suis déjà aînée. Tu t'es déjà aînée? J'allais te demander pourquoi. Est-ce que c'est la seule raison? Parce que l'échelle du corps a changé dans ta pratique photographique. Donc, le corps est moins motif. On est plus près du tableau. Mm-hmm. Mais moi, je vois une espèce de désir d'avoir plus de narrativité dans les œuvres en arrière de tout ça. Narrativité, puis peut-être plus près de mon travail en performance, je crois. Puis de quand tu es devant la photo, tu es devant une action. Puis d'où le grand format que j'ai exploité à la Galerie 3. Je voulais qu'on soit devant vraiment des scènes ben, ils sont peut-être pas à l'échelle, là. Dans l'idéal des mondes, ce sera à l'échelle, mais bon. C'est ça, puis qu'être vraiment plus près d'une narrative. Tandis que là, tout mon travail qui était sur l'ornementation, ben, c'était des écrans, puis c'était vraiment en rapport avec l'écran qui. Ouais, l'écran qui devenait une peau, un camouflage. Mais en vrai, j'ai fait le tour avec ça. Fait que, là, j'ai voulu donc, aller. Tu parles d'écran, donc tu parles de surface photographique, ton ouais, tu parles ben, d'écran. Oui, d'écran abstrait. Quand ouais, tu regardais l'œuvre, c'était ouais. un écran abstrait. C'était vraiment une composition abstraite. Mais mm-hmm. là, quand on s'y attardait, il y avait des actions qui s'y. Et trouvaient. Un autre élément qui est apparu dans les dernières années dans tes photographies, si on parle de surface photographique, tu as commencé à faire des ajouts à l'aquarelle. On a ici dans cette exposition-là les amas des brillants. Donc, est-ce que c'est une volonté de venir réaffirmer la matérialité du médium ou de venir échapper peut-être à l'espèce de déconnexion du réel qu'on retrouve dans la photographie ouais. numérique? Oui, c'était vraiment détaché, là, mélanger les deux mondes, puis je trouve que ça redonne un autre dialogue quand j'utilise la peinture. Je remets d'autres éléments narratifs avec la peinture. Puis dans mon travail en performance, j'ai beaucoup utilisé la peinture comme médium. Fait oui. qu'on dirait que ça revenait comme le geste du corps avec la peinture, c'est comme ça un retour. Donc c'est comme une deuxième performance. Il y a une performance en représentation en travaillant en studio avec le photographe, puis une autre performance qui se fait avec les pinceaux dans les mains. Ben peut-être pas tant une performance, mais tu sais, je peux comme être plus remettre une spontanéité du geste qui est là puis qui dialogue avec ce qui se passe dans la photo. Mm-hmm, ouais, ouais. Ouais. Mais oui, donc j'imagine que donc dans les œuvres, il y a j'imagine qu'on t'a déjà posé la question, mais dans tes œuvres en général, l'anonymat est très très important. On voit très peu ton visage. Qu'est-ce qui motive ce choix-là parce qu'il y a quelque chose, parce que oui, il y a quelque chose d'affirmer certains éléments d'identité dans tes performances, mais là tu viens comme cacher ta propre identité, ta propre individualité. C'est pour mettre en tension. Vu que je parle d'identité, je veux pas mettre ma propre identité. Donc, je veux que ça s'ouvre à... Tu sais, le corps qui est présenté, c'est le corps d'un peu tout le monde. Mais ça pourrait être le corps d'un peu tout le monde, le geste d'un peu... Donc, se dépersonnalise, mais... Puis quand je le personnalise, que je suis plus de front, je suis plus dans des attitudes théâtrales. Donc, je suis encore dépersonnalisée. Et que je suis jamais vraiment moi-même. Quand... Mm-hmm. À part ce que je trouvais intéressant, c'est celle avec ma fille que j'ai fait. Oui. Là, je me retrouvais, là, j'avais de la misère à cacher mon rôle de mère dans la façon dont le corps est positionné. Fait que ça, c'est la façon dont le corps est... Ouais, c'est que j'agis, là mon identité... C'est mon corps qui parle. Dans les gestes. Ouais. Même si on ne voit pas ma face. Là. Donc à cette performance devant la caméra, il y a cette relation mère-fille qui s'ajoute dans la mise en scène. Oui, ben c'est comme... C'est vital. Là. Si je prends ma fille, il y a comme des gestes que je vais poser. La manière dont je vais mettre ma main sur elle que je ne penserai même pas, ça va comme de soi. Mm-hmm. Ouais. La délicatesse donc, avec laquelle j'interviens. Il y a comme un abandon aussi qu'il y a dans cette photo-là. Oui, ouais. Oui, il y a une belle piste en tout cas, ce travail avec ta fille. Elle te peint dessus. Oui, ouais, ben c'est comme un jeu. C'est ça, c'est comme ça me maquillait mon visage qui est comme un masque blanc. Mm-hmm. Puis enfin, finalement, elle a fait son propre jeu puis elle a fait sa... Elle crée comme si c'est elle qui crée l'intervention. C'est pour moi qui... Donc, tu l'as pas dirigé là-dedans? J'ai juste dit que c'est comme on a fait ça comme sous forme de jeu, mm-hmm. un peu. Puis elle peint tes jambes, t'as ajouté du poil ouais. Après, avec la peinture sur tes jambes. Non, c'est elle qui les a fait. Ah, j'ai dit, peins-moi du poil, puis c'est toute elle qui l'a fait. Et ces interventions-là que tu fais après avec la peinture, de l'aquarelle, des brillants, souvent vont venir souligner certains éléments du corps qui sont plus liés, bon, évidemment à l'aspect féminin, femelle, donc les seins, le sexe, c'est une manière d'affirmer la féminité finalement. Oui, de jouer aussi avec ça, c'est comme la manière dont j'ai intervenu plastiquement, c'est comme burlesque un peu. Oui. C'est comme en rire, c'est rigolo. Fait que c'est comme. C'est sans. C'est comme. Ouais, c'est comme. C'est comme ça d'autodérision un peu. La féminité, à certains égards, mais pas dans toutes les scènes. Non, pas dans toutes les scènes, mais il y a comme il y a quelque chose de ça qui évidemment qui sous-tend l'ensemble de ta démarche, de ta pratique. Et là, on parle de tes photographies, on parle des œuvres qui sont dans l'exposition, mais le soir du vernissage, tu as aussi fait une performance devant public. Oui. Donc, c'est une performance qui était inspirée du travail que tu présentes, j'imagine. Oui, c'est inspiré de ce corpus-là, mais c'est la continuité, je te dirais. C'est la porte qui est vers ce qui s'en vient dans le futur, je pense. Donc, c'est des idées que j'avais pas fait encore en photo puis en shooting photo, mais je pense que je vais refaire un shooting à partir de ces idées-là. Donc, il y a beaucoup d'éléments du registre de l'intime dans ta pratique, du registre du domestique. Évidemment, quand on parle, quand on parle de l'idée du féminin, c'est des choses qui sont très, très rattachées à ça. Et toi, tu as fait une performance sur un bol de toilette. Oui, parce que je sais pas, mais je trouve que quand les femmes, on se retrouve. C'est comme un tabou, là, la toilette puis la féminité, premièrement. Mm-hmm. Tu sais, on ne faut pas aller aux toilettes. On va pas aux toilettes. Oui, nous, on fait pas caca à les femmes. Non, on fait pas caca. Puis il y avait aussi l'idée de ben, tu sais comme tout ben, c'était comme un genre de fausse couche, il y avait toutes sortes de layers là, de signification, mais il y avait la fausse couche, il y avait les règles, le fait avec tout ça, puis le party aussi quand t'es malade, comme quand tu te pousses à bout, fait que c'était tout mélangé. Et il y avait une pièce de viande fraîche. Ouais, là, parce que j'ai travaillé avec la viande crue, la dinde crue, puis là c'était un peu le steak, puis un peu comme faire des selfies avec une face en steak, un peu comme de re-questionner la façon dont on se met devant le téléphone. Et puis en même temps, c'était un masque, fait que j'étais comme, puis j'avais fait comme des rondelles de concombre avec le steak. Mm-hmm. Je trouve que c'était comme toute une dérision de la beauté mise sur les écrans. Est-ce qu'il y a un peu aussi quelque chose de la femme objet, de la pièce de viande, il y avait des clins d'œil. Ouais, c'est pas ça, mais je voulais faire des petites références à la robe de La robe de chair. La robe de chair de Yana. De Lady Gaga, non. De Lady Gaga, oui. De Lady Gaga, bien sûr. Puis il y avait aussi, avec la toilette, il y avait des références à Marcel Duchamp qui avait fait un bidet. Mais juste, les filles, on s'assoit sur sa toilette. Fait que, oui. On pisse pas debout. Je vais faire une toilette. Je vais prendre une toilette. Fait que, il y avait des petites références à l'histoire de l'art, mais c'est pas ciblé, là. Non. Mais non, mais c'est intéressant aussi quand c'est pas non plus littéral. Oui, c'est ça. J'aime ça faire des clins d'œil dans le travail. Et puis, tu dis que c'est comme un élément de ton travail en cours qui annonce un peu qu'est-ce qui va se dessiner, des pistes que tu explores en ce moment ou qui vont aboutir. Est-ce que tu peux nous parler un peu des projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Où est-ce qu'on peut voir ton travail prochainement? Ma prochaine expo est à Ottawa. Mm-hmm. C'est de l'ancien travail. C'est une série que j'ai faite antérieurement. Mais je finis un gros cycle de production. Là, j'ai vraiment produit beaucoup. les deux dernières années, fait que là, je suis comme en réflexion. Je veux peut-être plus travailler la performance solo puis faire des vidéos. Fait que je vais travailler ça, puis peut-être poursuivre ce même corpus que je vais présenter à Montréal aussi l'automne prochain. Bien, merci beaucoup, Annie Bayargeon. De rien. Passe une belle soirée. À toi aussi. We'll be right back. Alors, de retour à l'aérospatiale, vous avez entendu la belle conversation que j'ai eue avec Annie Baillargeon en début de semaine. Et là, en studio, j'ai Marie-Claude Drolet. Bonsoir, Marie-Claude. Bonsoir. Et Simon Doyon. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Donc, Marie-Claude, qui est toute nouvelle à l'émission de cette saison-ci et qui, à chaque fois, me propose des belles rencontres avec des artisans, des artisanes du métier. Il faut dire que tu es artiste, toi. Même. Oui, donc tu connais un peu les rouages, justement, tous les contacts, les personnes qui travaillent ensemble, qui travaillent pour, qui travaillent avec. Tu as voulu nous présenter ce soir, Simon. Oui, ben j'ai quand même une bonne connaissance du milieu, puis je me suis donné un peu comme mission d'aller chercher des informations auprès des artistes puis des gens qui travaillent dans le domaine. Donc, j'ai invité Simon à parler de son travail, à parler de lui aussi. Allô? j'ai préparé une petite bio sur Simon. Donc, Simon, tu as fait des études en graphisme. Absolument. Tu as une pratique aussi en art visuel, principalement sculptural. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai. On a pu apprécier ton travail principalement lors de collaborations avec Canadian Bacon, là, quand on fait différents expos là, communs, en fait, puis oui, dans différents lieux. Puis je me suis fait beaucoup de contacts là, puis j'ai pu aussi avoir la chance de présenter mes projets, puis... La réponse était bonne aussi. Là. Donc, oui, ouais. Donc je pense à deux occasions peut-être. Moi, j'ai en tête 2016-2017. Puis il y avait une troisième occasion aussi qui était à Montréal. Là, je me souviens plus exactement c'était quoi. Mais j'ai fait trois Canadian Bacon, puis je présente toujours des pièces différentes aussi. Je trouve ça important. Puis, c'est une belle occasion de rencontrer du monde, puis montrer ce qu'on peut faire. Parce que ça, ma pratique... quoi qu'il est quand même modeste, là, mais elle découle beaucoup de mon travail aussi. Là. Oui, ton travail qu'on va parler aujourd'hui. Donc, je voulais ajouter que tu es aussi musicien, saxophoniste. Ouais, entre autres. Ben, je touche à plein d'instruments, mais saxophone et... Principalement? EWI-4000S, je t'ai pas montré ça, c'est un saxophone électronique. Hein. Oui, ben, c'est ça, Simon Doyon, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, Simon Doyon dit « je t'ai pas montré ça » parce que Marie-Claude est allée visiter la maison, l'atelier de Simon... L'atelier de Simon Doyon cet après-midi pour découvrir un peu d'un côté plus pratico-pratique, vraiment avoir un contact visuel et tactile avec ce qui se passe chez toi, là. L'environnement, en fait, moi, je travaille chez moi parce que c'est simple, parce que c'est économique aussi. Puis, mais je suis bien, là, c'est pas tout le monde qui sont bien à travailler dans leurs affaires, puis toujours, c'est un défi, on va se le dire. Mais finalement, ça colle bien à mon style de vie. Puis, t'arrives à avoir un bon équilibre. Oui, absolument. Puis, je suis un gars qui est pas tellement sociable. J'aime les gens, mais je veux dire, je suis pas nécessairement sociable à outrance, si on veut. Puis ça me convient bien de rester à la maison. J'aimerais qu'on parle de ton travail. Ouais. Ben, juste dire qu'il reste une minute avant la pause publicitaire. Ah, après d'accord. Ça, on va prendre une pause publicitaire, puis après ça, on va commencer peut-être un peu plus l'entrevue. Ouais. Oui. Ouais. Oui, je vais poser des questions après. Yeah. Tout à fait. Je vais faire une petite introduction. Oui. Donc, tu as travaillé dans des entreprises de conception d'enseignes. Oui, d'enseignes beaucoup, dans des boîtes de pub aussi. Depuis deux, trois, quatre ans, tu as un nouveau travail, tu es travailleur autonome. Ben, en fait, j'ai fait une transition, là. Je faisais deux emplois, donc j'étais travailleur autonome et j'étais à l'emploi d'entreprise en tant que telle. Puis là, depuis, c'est la deuxième année là, que je fais vraiment ça à temps plein. Là. Super. Donc, après la pause publicitaire, on va démystifier ce travail. Good. Donc, merci Marie-Claude Drolet d'avoir invité Simon Doyon. Nous, on va prendre une petite pause publicitaire. Donc, et au retour, on va continuer cette belle rencontre et démystifier les dessous des arts visuels. Pour les artistes, les non-artistes, hein, on parle d'art à CKRL pour tout le monde qui veut bien en savoir un peu plus de savoir qu'est-ce qui se passe aussi derrière les coulisses, c'est toujours important. Vous écoutez CKRL 89.1. Il y a les petites grippes, les grosses grippes, les grippes d'hommes. Mais pour certaines personnes, la grippe est beaucoup plus sérieuse. Si vous avez 75 ans ou plus, ou vivez avec une maladie chronique comme le diabète, un trouble du système immunitaire, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale, la grippe peut mener à l'hospitalisation ou même à la mort. Nous ne sommes pas tous égaux face à la grippe. Si vous êtes à risque, la vaccination est votre meilleure protection. Visitez québec.ca/vaccin-grippe. Un message du gouvernement du Québec. À découvrir cet automne au Palais Montcalm, Maison de la musique, le duo Basse et Centour de Perséide le 10 novembre, la reine du blues de Détroit, Thornetta Davis et ses musiciens le 17 novembre, le répertoire jazz acoustique de François Jalbert et Jérôme Beaulieu le 24 novembre. Découvrez la programmation complète au palaismontcalm.ca. Le Palais Montcalm, la musique à son meilleur. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Isabelle de la succursale Saint-Roch vous suggère « La haine qu'on donne », un roman jeunesse d'Angie Thomas. Lorsque son ami Khalil est tué sous ses yeux par un policier trop nerveux, tout devient un véritable combat pour Star. Elle tentera de faire le pont entre sa vie turbulente dans le ghetto et celle autoritaire de l'école privée où elle étudie pour que le jeune homme obtienne justice. Un roman enlevant aux personnages captivants, mais surtout une lecture essentielle pour faire tomber les préjugés. Et Christian, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose Breaking News, un thriller signé Frank Chetzing. Un journaliste allemand en pleine déchéance, prêt à tout pour un scoop, lutte pour sa survie, alors qu'il met la main sur des documents compromettants sur les activités des services secrets israéliens. Une plongée dantesque dans le passé de l'État d'Israël. Osez le suspense de l'heure, une aventure littéraire de plus de 1000 pages. Plaisir garanti. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. Les Titans du Cégep Limoilou. Nous visons le développement d'étudiants athlètes qui participent activement à la vie sportive du Cégep. Au calendrier cette semaine, les 3 et 4 novembre au terrain Gérard Chiquette du campus Charlebourg, le championnat provincial de soccer division 2. Le 3 novembre, 19h30, hockey féminin division 1 reçoit les Patriotes du Cégep Saint-Laurent. Le 4 novembre, 11h, au gymnase Cégep Limoilou, basketball féminin division 2. Limoilou reçoit Sainte-Foy. Et le 4 novembre, 13h, au gymnase du Cégep Limoilou, basketball masculin division 2. Limoilou reçoit Sainte-Foy. Les Titans du Cégep Limoilou, une dynastie depuis plus de 35 ans. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Pêche, programme d'encadrement clinique et d'hébergement, maison de la famille Louis Hébert, Harmonie Montmorency, carrefour d'éducation à la solidarité internationale. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que vous vous nourrissez de culture et aussi parce que vous économisez 10% à l'épicerie européenne, 560 rue Saint-Jean. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. L'émission de cinéma Situation Critique, c'est 8 chroniqueurs qui se succèdent au micro pour vous parler des films à l'affiche et de l'actualité cinématographique. Situation Critique, chaque mercredi, 18h30, aussi disponible en balado-diffusion. Une présentation du Cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. De retour en studio à l'aérospatiale, donc on parle art visuel avec Marie-Claude Drolet qui nous présente Simon, Doyon, qui travaille avec les artistes, donc au niveau des technologies très, très récentes. Ben, c'est très récent. C'est surtout récent que c'est accessible à tout le monde, dont les artistes. Puis ça s'inscrit vraiment bien dans la pratique de beaucoup d'artistes, dont les sculpteurs. Ce qui fait que ces technologies-là sont plus présentes en général, mais sont vraiment présentes là, dans les pratiques artistiques. Là. Oui, donc je t'ai croisé souvent dans les ateliers d'artistes, ouais. Principalement depuis 3 ou 4 ans, comme on se disait tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau travail. Donc, tu es maintenant travailleur autonome depuis quelques années. Oui, c'est ma deuxième année à temps plein. Temps plein. Et ouais. Tu offres un service, en fait, que je qualifierais d'accompagnement, mais peut-être que tu as un autre terme. Oui, ben c'est ça. Mais j'aime dire que je suis assistant sculpteur, mais c'est vraiment le volet numérique. En fait, moi... J'interviens quand mes clients, les artistes, ont des raccourcis souvent à prendre ou ont des particularités qui va nécessiter ou en tout cas qui va rendre pertinente l'utilisation des technologies en tant que telles. Fait que pour être concret, ça peut être autant de l'impression 3D, ça peut être autant du scan 3D, de la numérisation 3D, de la modélisation, ou si je gère des découpes numériques de matériel, du métal en feuille. C'est ça, j'ai d'autres gens autour de moi qui gravitent aussi, qui font des rendus 3D. Donc, je deviens une espèce de pôle où je redirige quand je suis pas capable nécessairement de faire ou c'est pas mon créneau. Puis, ce qui fait que je deviens peu à peu une espèce de référence dans ce domaine-là. Puis, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Oui, mais... D'ailleurs, comment s'est arrivée cette aventure? Donc, tu avais un travail régulier dans le domaine de l'enseigne. Ouais, absolument. Ben moi, j'aime dire, c'est un peu cliché, mais j'ai l'impression de m'avoir préparé toute ma vie, mais toute ma carrière professionnelle depuis que je travaille dans mon domaine, le graphisme. Oui. Parce que c'est pas très loin du graphisme, finalement. Là, parce que dans le graphisme, on utilise beaucoup les technologies numériques, l'ordinateur, etc. Donc... moi, je travaillais dans une entreprise qui s'appelle Evray Innovation, donc je salue André Evray s'il est à l'écoute. Nous, on avait comme idée de partir une espèce de sideline, si on veut, publicitaire par rapport au 3D, donc des espèces d'accessoires 3D surdimensionnés pour faire de la pub standard, mais avec l'aide de ce genre de trucs-là, donc c'est pas loin de la sculpture aussi. Donc, de là, j'ai été obligé, si on veut, de m'intéresser au 3D, à la numérisation, à la modélisation. Puis j'ai vraiment eu la piqûre là parce que c'est un peu de prévoir d'avance comment un objet physique va être dans la réalité. Puis ça me fascine, ça m'a toujours fasciné, puis ça me fascine à chaque jour, je suis plus fasciné par ça que je l'étais la veille. Décortiquer un peu aussi les étapes de fabrication, avoir une bonne connaissance dans les matériaux. Ouais, effectivement. Ben là, de là après, ben, j'ai travaillé beaucoup dans des compagnies d'enseignes, en fait, de l'affichage sur mesure, donc tout ce qui est enseigne lumineuse ou en relief, etc. Donc, je gère et le design et la fabrication. Donc, effectivement, ça prend une connaissance des matériaux, des procédés de fabrication. Tout ça est lié aussi aux outils numériques. Mm-hmm. Puis, dans tes débuts, comment c'est arrivé ton premier contrat? C'est par la connaissance du milieu en art visuel? Ouais, donc, ben, il y a eu une première demande. J'ai un ami qui s'appelle William Dion, que William je salue. William Dion, bonjour. S'il est à l'écoute. Bonsoir. Donc, on a fait un projet. Lui était à l'école des métiers d'art, puis il y avait un projet à faire, puis il savait que je commençais que je maîtrisais bien le scan 3D, etc. Donc, on a numérisé un de ses masques en argile, et puis on l'a reproduit en strates d'acrylique découpé laser, puis ça a été exposé, puis... Je me souviens de ce projet-là. À partir de là, beaucoup de profs même de l'école des métiers d'art, de la maison des métiers d'art, dont Jean-Robert Drouillard, Marc-Antoine Côté n'était pas nécessairement professeur là, mais tout ça pour dire qu'on est venu me voir, on m'a dit « Ok, ouais, toi tu fais ça, là. » T'as un savoir-faire, j'aimerais l'utiliser. Puis là, on m'a dit « Ouais, ben, d'après moi, tu vas faire ça. » Puis honnêtement, je croyais pas tant que ça au début. Je fais « Ben, écoute, s'il y a des projets, c'est cool. » Puis de fil en aiguille, j'ai bâti une clientèle, puis je me raffinais en tant que connaisseur. sens, puis en tant que possibilité aussi. Puis de fil en aiguille, j'ai pas eu le choix de... J'ai créé un monstre, en fait. J'ai pas eu le choix de m'en occuper. Mais tu t'es créé un emploi, c'est incroyable. C'est ça, ouais. Oh, il a dit le mot monstre. Bien joué. J'aimerais ça savoir comment comment tu choisis tes contrats. Donc, j'imagine que tu travailles avec quelques artistes, puis sont plutôt réguliers. Effectivement, j'ai une banque d'artistes qui viennent me voir régulièrement, mais j'ai toujours des nouvelles personnes qui me contactent parce que c'est un marché qui est nouveau, puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui font ce que je peux faire. Mm-hmm. Ce qui fait que... Dans la région de Québec, disons? Ouais, ben même Montréal aussi. J'ai beaucoup de personnes qui appellent de Montréal aussi. Ah, c'est intéressant. Puis ouais, c'est vraiment cool. Puis tout ça pour dire que comment je choisis mes contrats, ben écoute, en tant que travailleur autonome... on prend aussi beaucoup ce qui passe, on va se le dire. Mais ceci dit, j'aime pratiquement tout ce que je fais, que ce soit n'importe quelle tâche, je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est toujours des défis différents. Mais oui, je travaille avec beaucoup d'artistes de Québec en tant que tel qui viennent me voir régulièrement. Puis ce qui est le fun aussi dans mon travail, c'est que j'ai différents rôles par rapport à différents artistes, ce qui fait que c'est loin d'être ennuyant là, comme travail. Mm-hmm. Puis tous les projets sont différents, ben donc. Oui. Ouais. Principalement axé sur des projets d'art public. Ouais, beaucoup d'art public. Puis ce qui est le fun dans l'art public, c'est que ben tu sais les artistes qui sont choisis pour pitcher, si on veut, pour les projets, ben eux ont des cachets là, pour développer leur idée puis venir présenter ça. Oui. Donc eux ont étant donné que ce cachet est là, ben tu sais ils veulent que ça marche puis ils veulent engager souvent les bonnes personnes pour bien présenter ce qu'ils ont dans leur tête en tant que tel. Mm-hmm. Puis moi, je peux intervenir beaucoup dans ça de différentes façons. Oui? Oui, mais en fait, c'est intéressant. Donc, tu travailles avec les artistes pas seulement pour créer des œuvres, mais pour créer aussi des maquettes. Oui, absolument. Ouais. Oui. Puis c'est beaucoup ça. En fait, ce qui est le fun dans les projets de leur public, c'est qu'il y a la phase concours. Donc... on prépare ce que l'artiste veut présenter au concours, puis quand si on gagne le concours, en fait, ben il faut produire l'œuvre. Puis je suis déjà inclus dans le projet, puis j'ai déjà plein de fichiers, je comprends déjà le projet, donc c'est tout naturel de poursuivre ça quand on gagne le projet. Puis c'est le fun parce que là c'est une autre histoire. Il faut vraiment produire quelque chose, faut livrer, tu sais. Faut livrer aussi quand on fait les concours, puis tu sais, faut que ça soit, mais c'est pas les mêmes contraintes, puis c'est pas les mêmes enjeux. Là on fait vraiment on bâtit quelque chose, on l'installe, puis faut que ça marche là, tu sais. Fait que ça c'est super stimulant de pouvoir faire les deux, de pouvoir participer à la conception puis le l'idée, mais aussi quand on gagne le concours, faut le construire, faut le réaliser. Donc pouvoir faire le suivi par rapport au projet, ouais, puis de l'amener jusqu'au bout. Ce qui fait que je touche à beaucoup d'étapes, que ce soit de la conception jusqu'à la production de l'œuvre d'art. En terminant, Simon, tu as donné récemment une formation à la Chambre Blanche. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres formations que tu aimerais donner? Est-ce qu'il y en a d'autres que tu veux ben donner? Oui, je vais. En fait, c'est la formation, mais. On peut dire que c'est plus la sensibilisation ou de l'initiation à, puis c'est surtout axé sur le scan 3D, en fait, la numérisation 3D, donc capturer en 3D un objet en général. Mm-hmm. Puis, ce qui fait que moi, je donne tout, dans la formation, je donne tous les trucs, tous les outils puis mes connaissances. Par contre, à la fin de la formation, c'est sûr que si on met pas ça en pratique, puis si on n'a pas le... C'est parce que pas tout le monde non plus qui a nécessairement le goût, finalement, de vraiment s'y investir, parce que faut s'y investir aussi. Là, il y a plein de données techniques qu'il faut pratiquer puis qu'il faut bien maîtriser pour avoir un... Moi, je fais de la photogrammétrie, hein, ce qui est le scan 3D par rapport à beaucoup, beaucoup de photos d'un sujet. Donc, toutes les photos doivent être focus et doivent être bien éclairées, toutes sans ombre portée. Donc, l'éclairage, contrôler l'éclairage. Donc, il faut, à la base, un bon photographe ou à tout le moins bien comprendre les mécanismes de la photographie, là. Merci beaucoup pour cette introduction. Comme tu l'annonces, cette espèce de mais moi, je connais rien au 3D, puis c'est vraiment fascinant de vous entendre parler. Marie-Claude Drolet, merci de m'avoir présenté et d'avoir présenté aux auditeurs, auditrices. Ça fait plaisir. Simon Doyon. Et nous, on va partir en petite pause audio. Et au retour, on parle de ce qui se passe à Regard. Il y a des gens de la Pologne et d'un peu partout avec To Watch. Donc, de retour à l'aérospatiale avec Amélie Laurence-Fortin. Bonsoir. Allô, gentillane, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Donc, Amélie Laurence-Fortin qui était un peu prise dans le trafic, mais qui a réussi à se rendre avec joie. Avec une très grande joie. Ça m'a pris, je pense, 1h20 m'en venir jusqu'ici. Donc, je ne prendrai plus jamais les ponts à partir de 4h30. À cette heure-ci de la journée. Jamais. Donc, tu nous arrives directement de Lévis parce que à Regard, il se passe beaucoup de choses en ce moment. Oui. Il y a un groupe d'artistes qui s'appelle To Watch. Oui. Un groupe d'artistes qui est basé en Pologne, qui prépare beaucoup de choses. Oui, effectivement, ce groupe d'artistes-là qui ont choisi comme nom Chuosh, qui veut dire en fait tendresse, qui peut dire deux choses en fait, soit tendresse ou soit sensibilité à la lumière en polonais, sont composés en fait de plusieurs artistes polonais, puis aussi des artistes qui viennent d'ailleurs. Donc, c'est Janek Zamoyski qui est le directeur artistique de ce projet-là, qui a aussi une galerie sous le même nom qui s'appelle aussi Chuosh, qui en fait a commencé à faire ce projet-là il y a une dizaine d'années maintenant. C'est un sort de projet nomade, puis 4 ans, il a commencé à changer les artistes polonais, pas les changer, mais aussi inclure des artistes qui venaient d'ailleurs. Donc, actuellement, il y a des artistes qui viennent de la Pologne, de l'Ukraine, de la Chine, du Japon et de l'Allemagne, qui font partie du projet groupe. Mais ils n'aiment pas vraiment se faire appeler collectif parce qu'ils ne passent pas beaucoup de temps ensemble. Ils se voient une fois par année. Mm-hmm. Et puis, cette année, ben, ils vont se voir à Regard, à Lévis. Donc, ils se voient à Regard, donc ils font une résidence. Oui, c'est une sorte de résidence. Pendant une durée de 2 semaines, donc ils se sont installés dans la galerie, ils créent ensemble, passent du temps ensemble. Il y a vraiment quelque chose de très dans le moment présent dans cette pratique-là. Là. Oui, c'est dans la rencontre que ça se passe. Oui, ils sont vraiment dans la rencontre, comme je le disais, là, ils se voient une fois par année. Donc, en se voyant une fois par année, quand ils se voient, c'est vraiment la fête. Donc, c'est sûr et certain que là, on a un peu comme l'ambiance de la fête aussi à Regard en ce moment, avec un collectif qui est pas capable d'arrêter de créer, ce qui est vraiment super intéressant. À la minute qu'ils sont rentrés dans la galerie, à la minute ils ont commencé à investir tout ce qu'ils pouvaient investir par la photographie, par le dessin, par la peinture, mais particulièrement par la photographie, parce que c'est ce qui les rassemble. Donc, voilà, et donc ils se sont installés, puis là, ils sont dans une espèce de fourmillement, parce que quand ils ont vu le format de la galerie, ils ont voulu l'investir. Bien qu'au départ, le projet, c'était de créer des images pour aller dans les fenêtres de la rue Saint-Laurent à Lévis, ils ont aussi décidé de travailler à l'intérieur de la galerie, donc ils se sont donné une double tâche, là. Oui, donc ils travaillent fort. Oui, ils travaillent très fort. Ils travaillent très, très fort à faire de l'art, à faire des photographies. Et donc, le vernissage, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi. Et donc, ça va être le vernissage de ces installations de photographies directement dans les fenêtres sur la rue Saint-Laurent. Mais qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre au vernissage, Amélie-Laurence Fortin? Ben, il va y avoir un ensemble de choses, d'objets, d'images qu'ils ont créées, des photographies aussi. C'est comme une espèce de rassemblement de la pratique de ces 6 artistes-là. Qui est à la fois une exposition, mais à la fois aussi un grand magasin, parce que les pratiques qui sont regroupées à l'intérieur de ces 6 membres-là, il y a autant de la photographie professionnelle corporative que du design d'objets ou du design de mode, même des livres. Donc, ils vont mettre en scène à la fois des... par exemple, des vêtements qui ont été modifiés à partir de vêtements qui ont été trouvés ici dans des friperies, qui sont à vendre, autant que des images, autant que des livres qui vont être disposés d'une façon que je ne peux pas prédire parce qu'ils vont commencer ce soir. Ils sont imprédictibles, croyez-nous. Oui. donc, Chewatch, c'est une galerie, c'est un groupe d'artistes qui regroupe des artistes de partout dans le monde. Donc, on a 6 de ses membres qui sont ici. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus individuellement de chacun de ces membres-là? Oui, certainement. Donc, Janek Zamoyski, c'est le leader, comme je le disais plus tôt, donc le directeur artistique du projet. Janek, c'est un musicien hors pair, c'est un pianiste et qui était pianiste de jazz aussi, puis il a fait de la photographie de mode pendant un certain temps, puis finalement, il est tout simplement devenu photographe contemporain, donc il fait surtout du paysage. Il a vraiment travaillé beaucoup sur la mer pendant un certain temps. Et Nampei Akaki, c'est un artiste japonais qui utilise la photographie plutôt comme pour utiliser les reflets de la lumière dans la lumière. Donc, il va souvent s'intéresser aux photographies qu'on considère assez mauvaises régulièrement, mais où on a des spots de lumière très, très forts ou très puissants, des espèces de traces de la lumière dans la pellicule ou dans la caméra. Puis, il va ensuite soit en faire des posters, soit en faire des vêtements. Mm-hmm. Donc, une espèce de tendance à l'abstraction, là. Un autre des Polonais qui est présent dans le groupe, c'est Stanisław Legus. Stanisław, c'est un musicien. Donc, lui aussi, dans la musique. Donc, lui, c'est un batteur. Donc, il joue dans plusieurs bands de rock. Et puis, c'est un peu comme notre... C'est la personne la plus effacée du groupe, en fait. Il est toujours un peu en retrait et plutôt dans l'observation. Sa photographie se fait principalement à partir de son appareil photo, donc ce qu'on qu'on va avoir, c'est des photographies agrandies de très avec des qualités à, où on comprend la, que la technologie est une limite en fait. Ouais, donc il y a quelque chose du lo-fi, ça ouais, s'approche lo-fi. De la musique aussi. Ouais, ouais, très lo-fi, une texture très Vice Magazine aussi. Là. Mm-hmm. Il y a Bao Ting. Bao Ting, c'est une artiste chinoise qui reste à Milan actuellement, qui elle s'intéresse à ben dernièrement là, dans ses derniers projets, je sais pas exactement ce qu'elle va nous présenter vendredi, mais dans ses derniers projets, elle s'intéressait à la poussière qu'il y avait entre l'image et puis la lentille. Donc, dans ce jeu-là, elle cherchait les étoiles, en fait. Donc, elle vient de l'argentique. Ah, elle est complètement de l'argentique. C'est la plus geek de l'équipe. Ensuite, il y a Vora Vorotniov, qui est notre artiste ukrainien, hilarant par ailleurs, qui vient du milieu du graffiti. Donc lui, il a participé à la scène graffiti européenne là, dans les 10 dernières années, dans des graffiti de très grand format, monumentaux. Puis maintenant, il est de plus en plus tourné vers la performance, donc des performances de longue durée où il marche pendant 2 mois et plus pour parler de quelque chose finalement dans un geste très quotidien. Puis il va ensuite les documenter. Donc sa photographie est plutôt de ce type-là. Puis Johan Wilkenmann, qui est un artiste allemand, qui reste à Berlin, qui, à la base, il est sculpteur de pierre, donc et maçon et sculpteur de pierre. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a été attrapé par Yannick Zamoyski parce que Johan, il est vraiment agréable, il est vraiment drôle aussi. Puis Yannick, qui l'a proposé à Johan de faire partie de Chuoche comme un projet, comme un défi. Mm-hmm. Donc, Johan s'approprie la photographie comme un nouveau médium, on va dire. Donc, c'est une très, très belle présentation de True Watch qui expose à regard à partir de vendredi. Donc, vendredi, c'est le vernissage à partir de 18h. Vous êtes attendus. Et donc, pour apporter des sous, si vous voulez vous procurer des œuvres d'art uniques en leur genre, avec, comme on parlait aussi, une esthétique un peu lo-fi, pour reprendre une expression française. également, au lieu, c'est le volet Europe de la rencontre internationale d'art performance qui débute cette semaine. Une exposition qui commence également à la bibliothèque Étienne Parent, Paul Duval, La couleur de l'imaginaire. Et c'est la dernière semaine pour aller voir l'installation faite par Ex Muro, donc Jeremy Hall, à la place d'Youville. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de l'aérospatiale. Comme à chaque semaine, vous pouvez rattraper l'émission en balado-diffusion sur notre page web l'aérospatiale.ckrl.wordpress.com. Nous suivre sur notre page Facebook et sur Instagram. J'aimerais remercier nos invités, Annie Bayarjon, Simon Doyon et Amélie-Laurence Fortin. Merci! Merci à Marie-Claude Drelet pour cette super belle initiative de nous présenter les dessous des arts visuels toujours. Nous, on va partir pour une petite pause musicale et ensuite la publicité va s'enchaîner. Merci beaucoup Jacques Gignac, donc le Marcel Duchamp de la console. Restez après la pause musicale, Pierre Blais et son équipe vous attendent pour parler cinéma à l'émission Situation Critique. Merci. Thank you.